Hola, buenas noches. Elena Villegas, encargada de la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo, que inventa los programas, selecciona textos y canciones y os los presenta tras el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a un nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes. Hoy cerramos la serie, iniciada hace 7 días, dedicada a Gael Faye y su novela Pequeño País, que gira sobre los sobrecogedores acontecimientos de las matanzas de Ruanda en 1994, de las que, por tanto, este 2019 se cumplen 25 años, y en las que los Hutus acabaron con casi 1 millón de personas, la mayor parte de la etnia rival, los Tutsis, en un brutal genocidio que sorprende por su proximidad en el tiempo, lo que permite constatar que la tendencia del ser humano al mal parece, por desgracia, imperecedera y consustancial a nuestra naturaleza. En la novela, emotiva y bellísima, pese al terrible dramatismo de los sucesos narrados, Faye se esconde bajo la piel de su personaje principal, Gabriel, un chico de padre francés y madre ruandesa. En su biografía real, la madre de Gael es de Burundi, que en su 33º cumpleaños, viviendo en Francia tras abandonar muy joven los escenarios de la guerra, recuerda sus años infantiles, en los que la felicidad absoluta de su vida libre en una África casi edénica se ve cortada de raíz por una guerra absurda, por el miedo y el dolor, por el desgarro y la pérdida, por la ominosa presencia de la muerte. Dejábamos hace 7 días al niño, aterrado, que había empezado a experimentar los primeros signos del odio y el horror, a las puertas de una guerra que se desencadenaría a raíz de la muerte, el 6 de abril de 1994, de los primeros ministros de Ruanda y Burundi, ambos Hutus, al ser derribado el avión en que viajaban en un atentado terrorista. Culpables, al decir de la mayoría dirigente Hutu, del asesinato de sus líderes, los Tutsis e incluso los Hutus moderados fueron masacrados en 3 meses de despiadadas matanzas. De esa realidad objetiva da cuenta la novela de Faye, en paralelo al otro plano, más íntimo y subjetivo, que refleja la pérdida de la infancia, de sus orígenes y su patria, por parte de un muchacho que no entiende la locura circundante y que se refugia en los libros para huir de las atrocidades que le rodean. Los fragmentos que voy a leeros aparecen en esta ocasión acompañados de la música del propio Gael Faye, que aparte de su dimensión literaria, presenta también una importante faceta como músico en el ámbito del hip-hop y el rap, en el cual ya ha presentado 3 discos, Pili Pili sobre un croissant de mantequilla, Ritmos y Botánica, y Las Flores, de los que proceden las 11 canciones que sonarán en la emisión. Como aviso para navegantes, debo señalar que dado el género en el que se inscriben las creaciones musicales de nuestro invitado, centrada sobre todo en la palabra, aunque la música no sea ni mucho menos desdeñable, su completa degustación exige el conocimiento del francés o la búsqueda de sus letras en internet. Unas letras, como puede imaginarse, centradas en idéntica temática autobiográfica que la de la novela, con la guerra, la violencia, el odio, la infancia perdida, el desarraigo, la inmigración, el choque de culturas, como motivos centrales. Espero que el programa pueda interesaros. Tememos que haya grandes matanzas por todo el país. Matanzas que van a hacer que las precedentes parezcan simples ensayos. Se han repartido machetes por todas las provincias. Hay muchas armas ocultas en Kigali. Las milicias se están entrenando con apoyo del ejército regular. Han distribuido listas con los nombres de las personas que hay que asesinar en cada barrio. Incluso, en Naciones Unidas, han recibido informaciones que confirman que tienen capacidad para matar 1000 Tutsis cada 20 minutos. Mon arrivée en France, il y a bien longtemps. Depuis que je crois plus en l'ONU, depuis que je crois plus en l'OTAN. Maintenant j'ai 20 ans et quelques poussières. Et je repense à l'Afrique où nous étions encore hier. On a grandi là-bas, au bord du lac Tanganyika. Et moi je supporte ici, tant que là-bas il y aura Mega et Gino Mucho, Iris Fabrice et les autres. Des potes comme vous, je vous assure, j'en ai pas retrouvé d'autres. Et puis il y a eu Paris, maintenant je l'appelle Paname. La pollution, les épiciers berbères et leurs mauvaises bananes. Ici c'est Grec McDo, la pluie, le froid, les flaques d'eau. Métro, boulot, dodo, la place Vendôme et les clodos. Mais je m'habitue, j'ai mes baskets et mon bitume. Et comme je veux faire fortune, tous les mois d'août je me fais des thunes. Je suis solitaire Et des fois je sors la plume, je suis pas rappeur, juste un virevolteur de mots pleins d'amertume. Ngoya tango iko kiongo tokanisa maema koya lobby. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que j'exile. Je vis loin de mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que j'exile. Je vis loin de mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. Mon père chasse le croco, ma mère met du lait de coco. Ici je suis franco-rwandais, je vais pas vous faire un topo. J'ai quitté le pays et sa situation sinistre. Je m'étais promis, ben qu'un jour je deviendrai ministre et j'ai grandi. J'ai pas de plan pour le Burundi, je continue d'espérer. Et les frères, c'est pas ce qu'on avait dit. J'ai revu Bouja, elle a plus le même visage. C'est devenu une ville sage et tous les jeunes veulent un visa. Des fois je me demande si je viens de voir envers l'Afrique, je pourrais fermer les yeux. Une femme, des gosses et garder mon fric. Problème existentiel de nos délires névrotiques, de ma vision romantique. Je veux faire naître un nouveau type car je fais partie de cette diaspora de cette jeunesse qui a quitté le pays pour faire recette. Et je me rends compte qu'on est trop con, qu'on gâche nos vies et que l'Europe devient notre cocon. Ngoya tango iko kiongo tokanisa maema koya lobby. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que je l'exhibe. Je vis loin de mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que je l'exhibe. Je vis loin de mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. Tu te rappelles nos grands-pères, aimaient leur terre et leur bétail. Et nous les fils on se perd, dans les guerres et les batailles. Ma mémoire se paralyse, et ma peine se cautérise. Des machettes qu'on aiguise, de tous nos morts dans nos églises. J'oublie pas que l'exil, c'est comme une porte d'exit. Je crie mes origines, car c'est comme ça que j'existe. Trop de larmes ont coulé, beaucoup de textes, j'ai gribouillé. Maintenant je regarde le soleil sur le lac d'une plage de Kibouillé. Petite sœur, tu prends la ligne pour les mille collines. Embrasse bien les cousins, embrasse bien les cousines. Et puis embrasse aussi la grand-mère à Boutaré. Dis-lui que chaque année que je passe loin d'elle me rend plus taré. Et si tu prends le bus Vénus pour Bujumbura, fais gaffe à toi, aux embuscades à Bougarama. Embrasse papa qui est resté au pays. Dis-lui qu'en France je ne grandis plus, dis-lui que je vieillis. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que je l'exhibe. Je suis loin mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. La France c'est l'asile, l'absence c'est l'exil. Souffrance, par pudeur, faut pas que je l'exhibe. Je suis loin mes rêves, mes espoirs, mes espérances. C'est ça qui me tue d'être écartelé entre Afrique et France. Tres jóvenes que iban delante de mí atacaron de súbito a un hombre, sin razón aparente, a pedradas. Desde la esquina de la calle, dos policías miraban la escena sin moverse. Los peatones se detuvieron un momento, como para disfrutar del espectáculo gratuito. Uno de los tres agresores fue a buscar una gran piedra que estaba debajo del franchipán, sobre la que los vendedores de cigarrillos y de chicles tenían la costumbre de sentarse. El hombre estaba intentando levantarse cuando el pedrusco le reventó la cabeza. Se derrumbó cuán largo era sobre el asfalto. Su pecho se hinchó tres veces bajo su camisa. Rápidamente. Buscaba aire. Luego, nada. Los agresores se fueron tan tranquilamente como habían llegado, y los peatones continuaron su camino, evitando el cadáver como se rodea un cono de tráfico. La ciudad entera se agitaba, proseguía con sus actividades, con sus compras, con su trajín. La circulación era densa, sonaban los claxones de los minibuses, los vendedores ambulantes ofrecían bolsitas de agua y de cacahuetes, los enamorados esperaban encontrar cartas de amor en sus buzones, un niño compraba rosas blancas para una madre enferma, una mujer vendía latas de concentrado de tomate, un adolescente salía del peluquero con un corte a la moda. Y desde hacía algún tiempo, unos hombres asesinaban a otros, con total impunidad, bajo el mismo sol de mediodía de antaño. Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage, le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corn. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. La transgression n'existe plus, le système nous avale. Nous recrache en rond de fumée, épais cigare de la Havane dans la savane de Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme. Je me revois un peu débile, traînant dans le quartier latin, entre les bouquins, les vinyles ou bien Bastille au petit matin. Avec cette bande de copains, parlant des connards qu'on adule, on était tous un peu crétins, de se gargariser de nos vues d'adultes. On débattait sur les pogroms, les concepts et leurs nuances, on discutait aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandies, on se voulait fluides et nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale. Mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût, les bars diffusent Jill Peterson. On s'est jeté dans la vie de con. Horaire bureau aseptisé, on en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier. Puis de Before en After, Caipirinhas ou Bavaria, sur les murs langes des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara. À 5 euros le petit négro, ils ont fait fort au café Flore. Et Jean-Sol Partre s'est décidé, je vais devenir un pick-up floor. J'avancerai sans balise quand la musique te marginalise. Le jour de ma mort, sur mon cœur, je n'aurai pas de valise. Je partirai léger quand certains se sentiront lésés, se sentiront pleins de regrets, peut-être de n'avoir pas osé. J'ai jamais trop rêvé d'avoir l'appart et la voiture. Je suis à côté de mes pompes, moi j'aime la gratte et les ratures et l'aventure. Un jour se lève, un jour nouveau, un jour d'adolescence où sur un banc j'ai rêvé de rêvaux. Les épreuves de la vie, des ouragans qui font péter les digues me fatiguent. Et puis mes textes n'ont plus d'intrigue, les révoltes sont diluées, nuages de lait dans un café. Tu ne signes pas des autographes quant à l'avenir, auto-dafé. Je suis un peu paumé et j'ai le cœur à la renverse. Mais t'inquiète pas, je sais que la vie est une tempête que l'on traverse. Ce monde il est vulgaire, c'est un tapin dans un motel. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont grandi sans un modèle. Pour mes enfants, je l'espère, je serai un exemple. Et de mes larmes et de mon sang, au quai de ça, je les exempte. Je suis pessimiste, ce monde il se barre en cacahuète. Je file vers ma planète. Appelez-moi dès que ça s'arrête, génération, résignation, sans notion ni passion, trop plein d'informations, environnement, détérioration, condamné à trouver du sens dans ce non-sens. Certains brûlent la France à l'essence, ou consomment à outrance, ou acquérir de l'argent, de la gloire ou du pouvoir. Mais laissez-moi que je me pars, je veux perfectionner mon art. Certains appelleront ça lâcheté ou égoïsme. Je le répète, si je pouvais, j'achèterais de l'héroïsme. Ruanda se había convertido en un inmenso terreno de caza en el que las presas eran los tutsis. Un ser humano culpable de haber nacido, culpable de ser. Un insecto a los ojos de sus asesinos. Una cucaracha que había que aplastar. Sur la grève, les yeux dans mes rêves, à écouter le vague à l'âme que les vents soulèvent. Je pensais m'être échoué à jamais dans l'estuaire, quand cette femme m'a dit viens, viens prendre la mer. Alors nos mains d'amoureux ont sculpté une pirogue. Au début le ciel est bleu, tu pars et tu vogues. On a glissé sur une mer d'huile, un miroir onduleux. Et bientôt, au fil de l'eau, le ciel devint nébuleux. Y'a la mer en furie, puis des tempêtes que l'on brave. Et de la poupe à la proue, on s'accroche, on en bave. L'équipage se renforce, apprend avec l'âge que l'océan est sauvage lorsqu'on quitte ses rivages. Puis un jour, on s'amarre au-dessus d'un champ de lumière. Les amants qui s'émèrent d'un scintillement lunaire plongent ensemble dans l'azur au ressac éphémère et remontent à la surface une perle solaire. La plus belle perle du monde à m'en brûler les prunelles. Je le jure sur ma vie que la mienne sera pour elle. 6h30, 6 décembre, c'est un ange qui descend dans ma vie, dans cette chambre. Je ne sais plus ce que je ressens, un sentiment d'embrasement bien plus fort que l'amour. Je fus Dieu un instant, c'était peut-être pour toujours. C'est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et j'en perds mes repères à être père d'un enfant. Révolution accomplie, mon grand soir le voici. Parce qu'on meurt tous un jour, je riposte par la vie. Isimbi, c'est ton nom, la perle éternelle. Ou la neige des volcans sur le toit de ma terre-mère. À la mère de ma fève, à ses talents d'orfèvre. La rosée de sa fleur et la perle de ma fièvre. Parce qu'on était, elle et moi, parce qu'on s'aimait à l'étroit. Parce qu'il fallait être deux pour faire trois. Perle nacrée, si le ciel me soustrait, je serai toujours prêt près de toi en secret. Petite perle, tu descends d'une lignée de poètes, d'idéalistes en tout genre, de chercheurs de conquêtes. Lève les yeux, une aïeule brille pour toi, Susanna comme un nom au reflet d'autrefois. Ibuka, souviens-toi, le prélude à ta vie. Susanna, c'est le nom d'un immortel atavisme. Petite fille, pardonne-nous pour ce monde dérisoire, pour tes épaules bien trop frêles face au poids de l'histoire. Petite princesse au royaume de mes mots, à tous les fleuves qui t'irriguent, à tes rivières indigo, à nos droits de douter, à nos rages d'exister, à nos champs de clarté que je t'offre en bouquet. Petite plante céleste aux yeux de rubis, bienvenue ma princesse, bienvenue dans la vie. Sin que se le pida, la guerra se encarga siempre de procurarnos un enemigo. Yo, que quería permanecer neutral, no pude serlo. Había nacido con aquella historia. Me corría por dentro. Le pertenecía. ¿Y si uno no quiere escoger bando? Depuis mes sources du Nil, jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Couteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité. Identité de porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'efface et m'effraie comme Damas. Mon sentiment de race, blanc et noir, quand le sang dans mes veines se détraque. Je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent distinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, il n'en forme plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton, nos rabots se mélanger, on restera des cons, la race humaine un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique, donc c'est dit, je suis noir dans ce pays, c'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça, laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis, le reste c'est de la bêtise, voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent, j'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place, mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi, toi l'autre différent, mais au fond si proche de moi. Quand deux fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent, complexé, toujours en quête d'identité. Y'avait le blanc, y'avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où l'on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan à la saison des fontes. Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire. Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu, issu de sang pur. Je vois bien, ces questions ne nous mènent à rien. L'humanité est colorée, donc soyons daltoniens, je vous parle d'amour, moi. Vu qu'il expire dans un mouroir, je suis mulâtre, ébène albâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de sang entre ciel et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un, et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un, et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Plus qu'un. El silencio me parecía mucho más angustioso que el sonido de los disparos. El silencio fomenta la violencia de arma blanca y las intrusiones nocturnas que uno no ve venir. El miedo se me había pegado a la médula espinal y no se movía de allí. A veces temblaba como un perrito mojado y aterido de frío. Me quedaba encerrado en casa. No me atrevía a aventurarme por el callejón. A veces atravesaba la calle, muy deprisa, para ir a pedirle prestado un nuevo libro a la señora Economopoulos. Luego regresaba de inmediato para lanzarme al búnker de mi imaginación. En mi cama, sumido en esas historias, buscaba otras realidades más soportables, y los libros, mis amigos, pintaban mis días de luz. Me decía que la guerra terminaría tarde o temprano. Un día alzaría la mirada de las páginas, abandonaría mi cama y mi habitación, y mamá habría vuelto, con su bonito vestido de flores

No había refugio en la tierra. Yo vivía ahí, en esa ciudad, en ese país. No podía actuar de otro modo. Président, il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%. L'ethnie dont il est issu est qualifiée de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique. Les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil politique. Il est en place depuis son putsch, son coup d'état. Lui s'est enrichi, mais son pays s'est endetté. Embêtés sont les puissances occidentales, sponsorisées par sa rente d'hydrocarbures et de métal. Les connivences mafieuses, militaro-financières, le népotisme, les parpouzes et les mercenaires. Président à vie et son mandat quitte le pouvoir par mort naturelle ou assassinat. Quand c'est la paix, les dirigeants dirigent. Quand c'est la guerre qui dirige. Dengue já o aba, bichila, baba, suena que a bota é o África. Para o meu. E quando o père meurt, le peuple pleure. La radio exploite la peur, l'ennemi est à l'intérieur. Les rancœurs et la terreur viennent chasser la paix. Les barrages sont dressés, le voisin devient suspect. On décrète la ville morte et le couvre-feu. Les ambassades se remplissent et tous les plans fuient. Il y a des rumeurs de pillages, des viols, des pénuries. Les gens ont peur, le peuple voit la paix mourir. Des jours de grève, des lynchages de plus en plus fréquents. La guerre civile est imminente, info mondiale sur les fréquences. L'ONU s'inquiète, engage des pourparlers. Faut-il agir, s'abstenir, y a-t-il des intérêts? Le cessez-le-feu est violé par les belligérants. Y a plus de gérance dans le pays qui part en déshérence. La guerre est là, tout le monde la sent. Encore une fois, ce sera la mort des innocents. Mujima wami olokata, mukonda tuazwe lokidi. Ay, mujima wami tolokata, mukonda tuazwe lokidi. Malumukenu, Africa, Africa, malumukenu. Avec l'espoir que tu puisses me lire. Les hommes sont bêtes, l'Afrique est belle. Fais pas l'erreur de la haïr. Avec toi je voulais vieillir sur ces collines dans cette maison. L'horizon s'arrête ici, je suis venu chanter mon oraison. Il m'enlève le galbe de tes hanches, le suave de tes lèvres. Sans trêve, Mugwaneza, lumière de tous mes rêves. Je dois quitter ce port, mon âme quitter son corps. Mais mon amour, je resterai toujours à deux encablures de ton cœur. Je vais partir. Dans les minutes qui suivent, ma peine est lourde. J'espère que tu recevras cette missive. J'écris des vers d'espoir, des fleuves de tourterelles, des tours de rêve, de brèves trêves, de querelles. Il est trop tard, les soldats envahissent la parcelle, ma belle. J'écris des mots d'amour que je parsème. Sur ce cahier, je finis ma vie et ce poème. La guerre m'a pris de court pour te dire, je t'aime. Me tapé la cabeza con la almohada. No quería saber, no quería escuchar nada. Quería meterme en un agujero de ratón, refugiarme en una madriguera. protegerme del mundo al final de mi callejón, perderme entre recuerdos hermosos, habitar en tiernas novelas, vivir dentro de los libros. Un cimetière s'est formé entre Naco et moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le cassoucou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayon de soleil en suspension, filament de poussière dans l'air qui traverse le salon pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence. Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence. Dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genoux cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux. Les excursions chevaleresques, les fous rires, les pactes de sang. Copain ça compte, copain ça reste. Copain, c'est d'abord un mot d'enfant. Dans le ventre de la maison, les adultes en digestion, et moi coincé dans mes questions, prisonnier d'une toile au plafond, capharnaüm de la déco, les masques, les trophées, les geckos. Je joue au G.I. Joe, dans le crâne d'un hippo. À l'intérieur, il fait frais, le carrelage, une mosaïque, sur lequel mes voitures jouées dessinent des routes périphériques. Torpeur d'après-midi, sous un ciel bleu paradis, parade levée dans le taillis, 14 juillet chez les fourmis. Jardin d'Éden, il y a des serpents à tous les angles. Et faute de pommes golden, je trahis Dieu avec des mangues. Toute l'année dans mon jardin, je vis à ciel ouvert. Sous le ficus, je suis un nain, arbre temple, arbre univers. La citronnelle borde la rigole, entourant la maison. La pluie s'abstient ou dégringole, les pizzas n'ont que deux saisons. Et quand les trombes s'abattent, elles tambourinent le toit de tôle. Les bananiers deviennent frégates. Et l'eau cascade sur mes épaules. Une planche à voile sur le toit d'un combi Volkswagen. Des photos jaunies. Le petit chien s'appelle Amstel. Pas de 4 heures, pas de goûter. Pas de pâte à tartiner. Pas de chaîne, pas de télé. Y'a que l'aquarium à regarder. Pas de parfum que l'on humecte. J'écris des lettres à une maman. À une absence. Apprendre à faire avec, c'est apprendre à faire sans. C'était ma vie, c'était la vie, c'était le train-train quotidien. C'était l'ennui des après-midi sans fin. Gracias a las lecturas, derribé los límites del callejón. Respiré de nuevo. El mundo se extendía a lo lejos, más allá de las vallas que nos encerraban en nosotros mismos con nuestros miedos. Ya no iba al escondite, ya no tenía ganas de ver a mis amigos, de oírlos hablar de la guerra, de ciudades muertas, de hutus y tutsis. Me sentaba con la señora Economopoulos en su jardín, bajo un jacarandá. Ella servía té y bizcochos calientes en la mesa de hierro forjado. Hablábamos durante horas de los libros que me ponía en las manos. Descubrí que podía hablar de infinidad de cosas que estaban escondidas dentro de mí y cuya existencia ignoraba. En aquel rincón frondoso, aprendí a identificar mis gustos, mis deseos, mi manera de ver y de sentir el universo. La señora Economopoulos me hacía tener confianza en mí. Nunca me juzgaba, Tenía el don de saber escuchar y de calmarme. Después de la conversación, cuando la tarde se desvanecía en la luz de poniente, paseábamos por el jardín como una pareja extraña. Tenía la impresión de avanzar bajo la bóveda de una iglesia. El canto de los pájaros era un susurro de plegarias. Nos deteníamos delante de sus orquídeas salvajes. Nos adentrábamos entre setos de hibiscos y brotes de ficus. Sus parterres de flores eran festines suntuosos para los pájaros suimangas y las abejas del barrio. Yo recogía hojas secas al pie de los árboles para hacer con ellas puntos de libro. Caminábamos lentamente, casi al ralentí, arrastrando los pies sobre la hierba abundante, como si quisiéramos retener el tiempo, mientras que el callejón, poco a poco, se cubría de noche. Lord and Billy Lyon, they was gambling a day one day. Jack Lee losing money, and he threw the cards away. Now Jack Lee, he told Billy Lyon, Billy, I'm sure gonna take your life. Now Jack Lee, Lord and Billy Lyon, they was gambling a day one day. Knowledge of the infinite, even if you got it just a little bit. Soon as you feel the ground start shaking, or your sleeping dogs start waking. Baby cries through the concrete, genocide, lost a breath of life under God's feet. Genocide of the angels, even murdered instruments, trumpets, banjos. But I still hear singing, mixed between the crying, sirens ringing. Bury my whole tribe, I'm crying, thinking. Rescue us from Zion, God ain't blinking. Bodies held in pile on, clock ain't ticking. One face had a smile on, plot just thicken. Courage of a lion, nine life kitten. Wandering through iron bars, once prison. Les soumis, les idiots, les vulgaires, à la tristesse de l'Éden, aux clartés de l'enfer. Il faut goûter son sang, car le sang est esprit. On suicide un silence en accouchant d'un cri. J'habite un désastre sous la colère des dieux, où le monde doit s'éteindre pour qu'on ouvre les yeux. Et le vin à la bouche, et le cœur sur le pieu, on fera vœu de renaître de quelques cendres de feu. J'effeuille les corolles de ce qu'on veut de la vie, un peu de vent sur la peau, les caresses d'une fille, où s'envoler tout là-haut pour gratter l'équinoxe. Être un arbre écrivain en s'écorchant l'écorce, mais tout ça s'est cassé en un éclair coincé sous une charte de béton armé. Mes enfants, le solstice c'est dans longtemps, mais longtemps c'est maintenant. Cuando se abandona un lugar, se dedica un tiempo a decirle adiós a la gente, a las cosas, a los sitios que uno ama. Pero yo no abandoné el país, huí de él. Dejé la puerta abierta de par en par detrás de mí y partí sin mirar atrás. Recuerdo simplemente la mano pequeña de papá que se agitaba en la galería del aeropuerto de Bujumbura. Parce que chaque mot est important, je le grave en italique. Je viens de là où la vigne tient qu'à une trajectoire d'objets métalliques. Là où la corruption n'est qu'une gangrène métastase. Où on te vole tout, même les points à la fin de tes phrases. L'opinion publique paraît cynique, indifférente. Dénoncer le mal et faire le bien sont deux choses différentes. Hey, je vais pas vous charmer, j'ai le cœur décharné. Depuis que mon peuple est sorti des charniers rouges et de l'île, j'entendrai pas ton chant de guerre à tue-tête. Je suis de cette époque où la moitié du globe vit toujours sous tutelle. Avec leurs droits pollués, ils nous en remettent de plus belle. Nous étions déjà des damnés, maintenant nous devenons leurs poubelles. Y'en a rabord la coupelle du toujours plus quand tout se fait rare. Ils veulent soigner tous nos problèmes et leur remède c'est du curare. S'ils bousillent nos fusibles pour que l'on vive dans le noir, j'allumerai ma bougie pour lire aux parois de la mémoire. Le monde, je trouve ça fade et les saletés, ça fallier. Paraît que les peuples, ça fan, me disait un frère Baïfal. Ouais, ça va, je fais mon temps, jamais mon argent. J'attends, je contemple, donc j'apprends, j'entreprends rien. À vrai dire, je m'en bats les reins. Dehors, c'est du blin, y'a du crachin et puis des lois des reins. Je dirai rien, je reste pas à la vie, c'est CDD. Il me reste qu'un vieux souvenir comme un cliché de Malik Sidibé. Si c'était à refaire, on viendrait pas refaire les mêmes erreurs, juste frère, on viendrait pas refaire depuis tantôt. Claque ma langue comme un autantô. Vu que la souche retient l'homme, on bouffe que du Monsanto. Réussir, c'est se rater, c'est rapper. Je fais du rap, karaté, à scratcher sur un cerato. C'est bateau tout ce que je dis, donc je finis la bouteille au goulot. Et à la mer, mon frère, j'envoie mes scudis, je brise la coquille. Je mélange le jaune et le blanc, hey, c'est la crise, copine. Les jeunes chaument sur des bancs. Désolé, ce doit être un problème d'emplacement. Mais vu d'ici, je ne sens qu'un système oppressant. On est tous azonnés, assommés. On sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné? On est tous assommés, assommés, mais dis-moi, on sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné? Oscilo entre dos orillas. Mi alma tiene esa enfermedad. Miles de kilómetros me separan de esa vida de antes. No es la distancia terrestre lo que hace largo el viaje, sino el tiempo transcurrido. Yo era de un lugar. Estaba rodeado de familiares, amigos, conocidos y calor. He vuelto al lugar, pero está vacío de quienes lo poblaron, de quienes le daban vida, cuerpo y carne. Mis recuerdos se superponen inútilmente a lo que tengo delante de los ojos. Pensaba que estaba exiliado de mi país. Al regresar sobre las huellas de mi pasado, he comprendido que lo estaba de mi infancia, lo que me parece todavía más cruel. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant au beurre, petit français qui flâne, lisait Kerouac qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie. pédale, il pédale. S'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois, et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. De sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs. Son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Elle est île, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili pili, rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins, laissent des enfants au carrefour des destins. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Releo el poema de Jacques Roumain que me regaló la señora Economopoulos el día de mi partida. Si se es de un país, si se ha nacido allí, si se es como quien dice nativo natural, uno lo lleva en los ojos, en la piel, en las manos, con la cabellera de sus árboles, la carne de su tierra, los huesos de sus piedras, la sangre de sus ríos, su cielo, su sabor, sus hombres y sus mujeres. J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes. Que je chanterai la nuit tombée, debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés. Des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatrides, beau people, caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí la serie, que ha contado con 2 emisiones, dedicada a Gael Faye y su extraordinaria novela Pequeño País. En la última hora, y entre significativos fragmentos del libro, han sonado las canciones del propio escritor, que cuenta con una faceta paralela a la literaria, centrada en la música, en el rap y el hip-hop, concretamente, entresacadas de los 3 discos publicados hasta el momento, y en las que ha contado con la colaboración de otros músicos como Fistein Scambilo, Julia Sarr, Ben Longlesoul, Usman Daneggio, Flavia Coello, Bonga y Saul Williams. Con su referencia, y confiados en que os hayáis sentido interesados por la novela y su autor, nos despedimos, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Pasad una muy buena semana. Adiós.